I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. I think these days, especially in the States, you have to be a politician or an assassin. Awake. Jim Morrison. Indoors, outdoors. All hail the American night. Feuilleton en 5 épisodes de Christine Spianti. Climat 4. Orage électrique du 1er mars 1969. Au-dessus du Pacifique. Parfois l'orage ressemble à la tempête sous l'influence des vents tournants. Il suit une trajectoire moyenne, toujours à peu près la même. C'est le rail des dépressions. Une période d'éruption solaire. Il y a alors des volontés qui s'effondrent et des énergies neuves. Une intense activité volcanique dans l'océan. Le feu et l'eau. Nous, le groupe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu l'histoire de la pub. Pendant que tu étais à Londres avec Pamela, on nous a proposé d'acheter $50,000 les droits de Light My Fire pour une pub. La nouvelle voiture de sport Buick. La Grand Sport GS455. Come on, Buick, Light My Fire. On a signé. Quand tu es revenu, c'est vrai, le groupe prenait des décisions ensemble, mais là, je ne savais pas quoi dire. Tu faisais les 100 pas dans la pièce et tu m'as dit... Ray, je pensais qu'on était des frères. Et moi ? C'est toujours vrai, Tim. Rien n'a changé. Et toi ? Tout a changé. Je ne peux plus vous faire confiance. Tout ça n'était donc qu'une histoire de fric. Je n'ai plus d'amis, je n'ai que des associés. Le lendemain, on te retrouvait ivre mort sous les sièges dans un aéroport du Middle West. Le 3 août 1968, Hello, I Love You est le titre le plus vendu aux États-Unis. Un soir de 1969 en concert à Cleveland, tu as déclaré devant 9000 personnes que tu n'en pouvais plus. Trois jours plus tard, tu arrives au bureau. Sur le vieux divan, sous la fenêtre, tu te mets à lire le Los Angeles Times, qui titre sur les Indiens qui occupent l'île d'Alcatraz et la fusillade entre la police et les Black Panthers qui a duré 4 heures. Je te regarde faire plus ou moins. Tu ne ris plus tout le temps comme avant. Tu m'as regardé. Et tu as dit... Ray, je veux arrêter. Tu sentais ton esprit se détacher de toi. 6 mois. Je te demande 6 mois. Tu acceptes. À la porte du studio, tout le groupe t'a entendu murmurer... Je ne me sens pas très bien. Chanteur de l'année pour les lecteurs de Village Voice. Le samedi 1er mars 1969, les Doors s'envolent de Los Angeles sans Morrison. Il arrive en retard à l'aéroport avec Pamela. Ils se sont disputés. Il refuse qu'elle l'accompagne à Miami. Il boit pas mal de verres en attendant l'avion avec son manager, pas mal aussi en attendant à la Nouvelle-Orléans où transite le vol. Quand tu es arrivé à Miami, les muscles de ton visage étaient comme relâchés. Tu m'as dit « Ray, mais je ne t'ai pas laissé parler. Jim, tu ne dors pas assez. » Tu bois trop. Je te le dis. Jim, c'est trop. Le matériel des Doors avait été déchargé dans la matinée. 52 amplis sur 30 mètres, 60 000 watts, tout neuf. L'affiche annonce « An evening with the Doors. Concert, dance and light. » Le 1er mars 1969, au Dinner Key Auditorium. Track extended. Live in Miami, 1969. C'est un ancien hangar pour hydravions, suintant d'humidité, qui empeste l'essence et la charogne d'oiseaux morts. On constate que l'organisateur du spectacle a retiré les sièges et vendu plus de billets qu'il n'y a de place dans la salle. À 16h, nos managers annulent le spectacle. L'organisateur explique alors que si on veut revoir le matériel, il faut jouer. Je dis qu'il vaut mieux ne pas te parler de tout ça. Le concert prend une heure de retard. 12 000 spectateurs furieux debout dans la puanteur. L'organisateur monte sur scène en faisant le signe de la paix des beatniks, de doigts en V. Photo. À gauche, Raymond Zarek en costume clair. John Densmore à la batterie au centre. Robbie Krieger à droite. T-shirt sombre à rayures blanches. Gibson rouge. Jim Morrison entre sur scène. 12 000 flash Kodak. Pantalon de cuir brun. Ceinture à sequins d'argent. Chemise noire. Barbe de plusieurs jours. Un chapeau de cuir à large bord rabattu sur les yeux, orné d'une tête de mort et d'une vieille croix d'argent indienne. Va savoir, Jim, qui t'a raconté les embrouilles avec les organisateurs. Ça t'a exaspéré. Je joue l'intro de Break On Through. Tu n'écoutes pas. Tu traverses le plateau pour discuter avec des filles dans le public. On s'arrête de jouer. À un moment, Jim Morrison marche vers le micro, fait quelques notes sur son harmonica. L'ombre du chapeau cache ses yeux. Là, tu commences à parler. Rock is dead. Je ne te parle pas de faire la révolution, mais plutôt de venir à Los Angeles cet été, tremper les pieds dans le Pacifique, marcher sur le sable chaud. Il demande si tout le monde est prêt. Ta voix est rauque, lourde, chargée de douleur et de rage. On enchaîne avec Backdoor Man. Jim Morrison demande au groupe de jouer plus fort. Il va boire. Il a une bouteille à côté de la batterie de John Densmore. Nous jouons le plus fort possible. Mais après quatre mesures, tu te remets à parler. Rock is dead. Doucement, mon cœur. Tout doux. Doux. Montre-moi ce que tu sais faire, baby. Doucement. Et écoutez, je me sens tout seul. Personne n'a envie de moi. Quelqu'un balance un sac plastique plein de peinture orange fluo sur la scène. Rock is dead. D'une main, Jim Morrison s'appuie sur l'ampli à droite de la scène. Rock is dead. Prends-moi. J'ai besoin d'amour. La salle murmure. Hostile. Love. Love. Love. Love. Not war. Attrapez votre putain de copain et aimez-le. Aime ton prochain à en crever. Aime ton prochain à en crever. Je joue les premières mesures de Love Me Two Times. Toi, tu fais autre chose. Photo. Morrison lançant son manteau dans la foule. Qui le met en pièces dans l'instant. Nous, on continue à taper. Taper. Taper, mais tu te tournes vers nous en criant. Attendez une minute, ça ne va pas du tout. Vous avez tout gâché, ça va trop vite. Je ne continue pas. J'arrête. La foule crie, se demande ce qui se passe. On reprend. Tu te mets à chanter Love Me Two Times. Love Me Two Times. Moi avec l'orgue et John à la batterie, on t'envoie des vrais chocs électriques. On enchaîne sur 5 to 1. Tu chantes le premier vers et tu t'arrêtes pour dire: vous êtes une bande de cons. De laisser les gens vous dire ce que vous devez faire. De laisser les gens vous maltraiter. Vous allez vous laisser faire encore longtemps. Mais peut-être que vous aimez ça. Peut-être que vous aimez qu'on vous maltraite. Peut-être que vous adorez ça. Peut-être que vous adorez qu'on vous mette la tête dans la merde. Vous êtes tous une bande d'esclaves. On enchaîne les solos avec Robbie et John. Ça nous est arrivé 100 fois de t'attendre. Ce soir-là, il n'y a rien de plus que les autres soirs. Photo 1. Pendant le solo de Robbie, Jim Morrison à genoux devant lui. Photo 2. Au micro, pouce dans sa ceinture. Photo 3. Il a enlevé son chapeau. Sur la bande-son, la foule hurle, siffle. Il montre son sexe, non? T'as vu? Hurlement de joie et de haine. 12 000 flashs Kodak. Et rien. Sur aucune photo. Ni sexe. Ni exhibition, sur aucune photo. Rien. L'organisateur verse du champagne sur la tête de Jim Morrison pour le calmer. Le chaman a réveillé tous les démons, tous les serpents. Awake. Ils ont pris la direction des opérations. Jim, tu me regardes un peu effaré. Puis tu fixes la foule sans bouger. Tu parais épuisé. Il y a quelque chose de tragique. Tu leur parles encore. Je pensais que tout ça, la révolution, c'était une vaste blague. Un truc dont il fallait rire. Et puis j'ai rencontré des gens qui veulent faire quelque chose. Ils essaient de changer le monde. Et je veux être dans le trip. Je veux changer le monde. Changer le monde. Le changer. Aucune réaction dans la foule. La première chose qu'il faut faire, c'est s'emparer des écoles. Et après... Contestation dans le public. Ils ne veulent pas qu'ils parlent. Ils veulent que ça joue, qu'ils fassent le show. Ils veulent les Doors et la rockstar. Personne n'a une cigarette ? On s'était dit avec Robbie que Miami, la Floride, ça devait te faire quelque chose. Tu es né ici, à Melbourne, en 1943. Tu le dis à la foule. Tu ne dis pas que c'était sur une base de la US Navy. Ton père commandait l'USS Bonhomme Richard en août 64, stationné dans la mer de Chine avec les deux porte-avions qui prétendirent avoir été attaqués par des patrouilleurs ennemis, ce qui entraîna les États-Unis dans la guerre du Vietnam. Le 21 octobre 1968 à Washington, les poètes Ginsberg, Burroughs, Ferlinghetti, McClure et Jean Genet marchaient pour la paix. Remous dans le public. Un fan du groupe, riche héritier d'une chaîne de supermarchés, militant pacifiste et végétarien qui suit notre tournée depuis le début, est devant la scène et te fait signe d'approcher. Tu vas vers lui. Il te tend quelque chose. Sur le coup, nous, de la scène, on ne voit pas ce que c'est, tu es de dos. Mais la foule, elle, le voit. Et devient comme folle. Photo. Jim Morrison portant dans ses bras tout près de son visage un agneau vivant. 12 000 flashs Kodak. Tu me diras plus tard. Hey, au milieu de tout ça, le vacarme, les cris, c'était intéressant cet agneau. Il respirait normalement, Ray. Il ne ressentait rien. Je t'ai dit que moi, derrière l'orgue, je voyais bien que la foule commençait à te haïr sérieusement, Jim. Et tout à coup, cet agneau que tu prends dans tes bras... C'est elle, l'agneau, c'est la foule. Si docile, si grégaire, à genoux devant l'idole et prête à le dévorer. L'agneau qui, au milieu de l'apocalypse, ne ressent rien. Cris dans le public. Applaudissements. Rumeurs qui enflent. Et le héros tragique naît, en quelque sorte, de l'extase des foules. Ils veulent venir sur scène. La police est dans la fosse pour les empêcher de monter. Je t'entends encore me dire. Ray, les gosses, les flics, nous, c'est un jeu bizarre. Il faut avoir un peu de logique. S'il n'y avait pas de flics, ils ne voudraient pas monter. Photo. Jim Morrison, cigarette à la bouche. Képi d'un policier sur la tête. En un rien de temps, il y a 100 personnes sur la scène à danser, sauter et piétiner. La scène se met à trembler. D'autres jeunes s'accrochent pour grimper. Le plateau est mal monté, les tréteaux ploient. Je continue de jouer dans la cohue en plaquant des accords au hasard. Un type, bras écartés, dressé sur la rampe du premier balcon, menace de se lancer. À ce moment-là, quelqu'un est tombé sur mon clavier. L'organisateur décide de tout arrêter. Il se précipite sur Jim Morrison. Photo prise du bord de la scène en contre-plongée. Morrison levant la jambe pour asséner un coup de pied à l'organisateur. Il envoie l'escroc dans la fosse. Un de ses hommes de main se jette sur Morrison, qui tombe dans la foule à son tour. Pendant ce temps-là, la scène peu à peu s'effondre, pour finalement céder dans un fracas. Je vois John se jeter en catastrophe sur le côté. Il tombe sur la console d'éclairage, qui explose. Une partie de moi me souffle. Ray, cette fois, on est vraiment dans le pétrin. Je vois Jim entraîné dans la foule. Elle danse, elle hurle. Elle lui arrache les cheveux, la chemise. Elle baise ses épaules nues, le griffe, cherche à le mordre, à le prendre. Jim Morrison est exfiltré. Photo. Morrison, torse nu, regardant la foule du deuxième balcon. Indifférent. Après le concert, on se marre, parce qu'on nous a dit que les flics se font du fric au black en surveillant les coulisses. Dans la loge, Jim me dit « Ray, il faut prendre une autre orientation. Changer le monde. » C'est là qu'il nous a parlé du Living Theater. Burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall. Coda 1. Quelques jours plus tôt, avec un ami, le poète Michael McClure, on a vu le Living Theater à San Francisco. Il dit que ce sont les aigles angéliques de l'idéal anarchiste. Ray, j'ai senti leur sincérité. Ouais. Comme ils prennent ça au sérieux, eux, la révolution et l'espoir de changer le monde. Leur énergie. Qu'est-ce qui provoque un tel enthousiasme, Ray ? Comment on pourrait obtenir cette sorte d'engagement, de dévotion ? Eux, Judith Malina et Julian Beck, ont trouvé quelque chose pour réveiller la foule. Ils l'appellent l'agressivité positive. C'est ce que j'ai essayé ce soir, au Dinner Key Auditorium à Miami. Les réveiller. Le paradis. Maintenant. We have taken out two warrants for Jim Morrison. One of them is for indecent exposure. The other is for the use of obscene languages during his performance at Dinner Key Saturday night. Le 5 mars, la police de Miami délivrait un mandat d'arrêt contre toi, Jim. Outrage à la pudeur, atteinte à l'ordre public. Tu risquais 7 ans et 150 jours de prison. Les forces conservatrices de Miami organisèrent un rassemblement pour la décence, soutenu par le président Nixon. On chanta God Bless America. Now listen here, people! Je parle de la mort du rock'n'roll et de qui l'a fait passer de vie à trépas. Je parle du blues. Je parle des news. T'as entendu la nouvelle ? Rock is dead. Rock est mort. Rock is dead. Now I didn't want to be the one to lay it on you, sweetheart. Je voulais pas être le premier à te balancer ça, mon cœur. But I used to be a little fellow traveler. Mais j'ai un peu tapé la route avec lui. I used to think we had the whole thing sewed up, mama. J'ai toujours pensé que c'était dans la poche, mama. Et puis j'ai compris. Then I realized. Le rock'n'roll est mourant, baby. Rock'n'roll is dying, baby. I wanna see some fun. I wanna see some hanging out. I wanna see my people non-political. Arithmetical, transcendental, irathamadental, coolambindang, bapaluka nimbao. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready to sing the blues, my baby? Coda 2. L'Amérique, empire de la destruction et de la promesse. Le FBI, le Vietnam, Nixon, tous la bafouaient. Et le prix des promesses non tenues, c'est le ressentiment, la solitude face à sa propre trahison, sans rédemption, la peur. Cette promesse non tenue de l'Amérique de 1970, c'était celle de ses ouvriers, de ses jeunes filles, de ses bûcherons, de ses poètes, chacun chantant ce qui lui est propre à lui et à nul autre, dit Whitman. Ce chant est mort. Il s'appelait Rock'n'Roll. 1965, année zéro du rock et première bombe sur le Vietnam. 1969, la guerre a épuisé l'énergie du rock. Il est mort avec l'Amérique de la promesse. Je baise l'allée des ruines d'un empire. Les petits enfants du nord de l'Indochine marqué au napalm et hurlant de douleur. L'Amérique est un étrange empire. Elle a fait de moi un mythe. L'Amérique tue ses mythes, elle-même. Voilà où ta chère poésie t'a conduit. Elle t'a ramené à la folie et aux gens qui t'ont fait. J'écrivis un poème en 33 chants comme le paradis de Dante. Il s'appelle Une prière américaine. Savez-vous que nous sommes conduits au massacre par de placides amiraux et que de gras élans généraux sont rendus obscènes par le sang jeune? Savez-vous que nous sommes gouvernés par la télé? La lune est une bête au sang sec. Des groupes de guérilleros roulent des joints dans le carré de vignes voisins. Thésaurisant pour la guerre sur le dos d'innocents, bouviers qui ne font que mourir. Ô grand créateur de ce qui est, accorde-nous une heure de plus pour accomplir notre art et parfaire nos vies. Nous nous sommes assemblés dans ce théâtre antique et fou pour propager notre rage de vivre et fuir la sagesse grouillante des rues. Les portes ouvertes sont enfoncées, les fenêtres gardées, et seules de tout le reste pour danser et nous sauver avec le divin simulacre des mots, la musique enflamme le tempérament. Où sont les festins qui nous ont été promis? Où est le vin nouveau? Il meurt sur la vigne. Jim Morrison, Indoors, Outdoors, de Christine Spionti. Quatrième épisode. Avec Sarah-Jane Sauvegrain et Laurent Lederer, les narrateurs. Olivier Martineau, Jim Morrison. Clotilde Morgiève, Pamela Courson. Slimane Yevsa, Raymond Zarek. Et la voix d'Élodie Hubert. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage Bastien Varigaud et Philippe Bredin. Assistante à la réalisation Louise Loubrieux. Réalisation Laure Egoroff. Remerciements à Lili Stein. Did you know freedom exists in a school book? Did you know madmen are running our prison within a jail, within a gale, within a white free Protestant maelstrom? We're perched headlong in the edge of boredom. We're reaching for death on the end of a candle. We're trying for something that's already found us. Tous les textes de Jim Morrison sont parus chez Christian Bourgois, éditeur, dans des traductions de Yves Buin, Richel Dassin, Hervé Muller, Sabine Prudent, Werner Rehmann, Patricia Deveau.